de votre série Seven Island College. Wow, ça fait du bien de finir les cours. Moi, j'avais les yeux éclatés, une envie de vomir. Je crois que je suis allergique aux maths. Ce serait pas plutôt la cigarette que t'as essayé de fumer dans les toilettes? Tu parles, ça m'a rien fait du tout. Oh, oh si, une super baleine de phoque. Je vais prendre un chewing-gum, t'inquiète. Bon bah moi je rentre chez moi, je vais décompresser sur ma console Playbox. Bonne décompression. Salut pas, dis t'as pas vu ma console Playbox? Rod, tu pourrais dire bonjour à Booba quand même. Salut monsieur Booba. Moi ça me consterne Booba de voir cette jeunesse collée à leur machin virtuel. Moi à son âge, j'avais déjà un beat d'américain moyen. Et je connaissais par cœur le nom des serveuses du Country Salon. Bah ouais, nous on savait s'amuser. Écoute Rod, Booba et moi on t'emmène bourlinguer avec nous. Oh non, je suis vanné, les courses ça m'a tué. Pas d'histoire Rod, on t'emmène faire le parcours du combattant dès qu'on te voit. Tu vois fiston, ici tu peux prendre une bonne bouffée d'oxygène. Bah je crois que de l'oxygène y en a plus vraiment par ici. Détends-toi, on est en terrain ami. Tu prends un peu à nacher? Bah moi tu me mets une petite canette Harvey. Tu vois, Booba et moi on est des vrais amis. Et c'est comme ça que les amis se retrouvent, face à un verre de l'amitié. Bah ton père a raison, hein. L'amitié ça se travaille avec le poignet. Tu m'en remets une autre Ginette? Une canette de plus pour la table d'Harvey. Tu sais Rod, Booba et moi on s'est rencontrés en Irak, en pleine guerre du Golfe. On était dans le même hélico, on faisait partie de l'unité des baleines volantes. Bah c'est sûr, on en a bavé là-bas. Ouais. Et tu vois, Rod, c'est l'amitié qui nous a fait tenir. Et depuis, on est unis comme les trois doigts de la main. Ouais, j'ai perdu deux doigts en essayant d'allumer un barbecue avec une grenade. C'est moche, la guerre. Et depuis notre retour au pays, on se réunit de temps à autre, autour d'un verre, d'un billard, de quelques cacahuètes. Bah, il m'a jamais battu au billard. Tu rigoles ou quoi? Je t'ai toujours éclaté. Bah, ok, on règle ça sur le tapis. Pas de problème. Je casse la rouge dans le trou à droite. Oh, raté. Moi, je dis la rouge en deux bandes. Et voilà le travail. T'es qu'un tricheur, Booba. Avec trois doigts, t'as plus de précision, t'es moins emmerdé. Bah tu vas l'affirmer. Répète un peu. Tu vas l'affirmer. Regarde comme je la ferme. Oh. Bah mais tu m'as frappé, là. Bien décompressé hier soir. Tu parles, mon père m'a montré ce que c'était que la franche camaraderie à l'américaine. C'est plutôt musclé et puis ça fait boum, hein. Un peu plus tard, en cours d'histoire... Le proviseur étant parti en week-end à Rome avec Etienne Dao, il m'a chargé de vous dire qu'il sera de retour dans 3 jours pour ouvrir le bal de fin d'année qui aura bien lieu ici même. Oh c'est cool, je vais tout faire pour sortir avec Laura. Elle sort déjà avec Dylan. Bientôt elle sortira avec moi. Ah bon? J'ai des arguments que t'as pas Rod. Tu parles de toute cette graisse qui entoure ton ventre. Les filles aiment bien s'agripper, je suis un peu leur bouée de secours. Et moi? Qui c'est qui va être ma bouée de secours? Bah toi bah arrête, il faut que tu sortes avec une fille qui te ressemble. Brigitte, la petite française par exemple. Oh non, t'as vu l'engin? Vous avez plein de points communs, des boutons, un superbe appareil dentaire et un je ne sais quoi dans le visage qui surprend. Ça c'est gentil. Bon, je vous laisse les deux blaireaux. Moi, je vais inviter Laura. Tu devrais retirer la salade coincée entre tes dents. T'es sûr? Ah bah, on voit que ça. Mais il avait rien. Bah, tu sais, le temps qu'il vérifie aux toilettes, je vais inviter Laura à sa place. Salut, Laura. C'est Rod. Je vois, je suis pas aveugle. Si je te dis qu'on pourrait être élu roi et reine du bal de fin d'année, t'en penses quoi? Je pense que le roi aurait une drôle de tête si c'était toi. Bah, c'est bien d'être drôle, c'est comique. Ouais, bah, va jouer ailleurs, le comique. Dégage! Va vérifier si t'as pas un peu de salade coincée entre les oreilles. Et vraiment pitoyable. Vous êtes vraiment pitoyable. Comment ça? On était sortis ensemble, c'était pas génial? À part astiquer tes boules de bowling, tu t'occupais pas vraiment de moi. De toute façon, j'irai au bal avec Dylan, mon nouveau mec. Tu t'es fait jeter aussi. Ouais. Elle est résistante à nos cœurs. Tu parles. Moi, il me reste plus qu'à sortir avec Kimi si je veux pas me retrouver seul pour le bal de fin d'année. Attends, Kimi, elle m'intéresse aussi. On a qu'à jouer ça à pile ou face. Ok, pile, je sors avec Kimi. Face, je l'ai dans la face. Ok, d'accord, c'est parti. Face, j'ai gagné. Wouhou. Il a gagné quoi, Rod? Il t'a gagné. Il m'a gagné? Bah, il peut se la coller où il veut, sa pièce, mais je sortirai jamais avec un muf pareil. Oh, mais c'est pas ce que tu crois, Kimi. Lâche-moi, Rod. J'irai avec Kirby. La l'air. Oh non, je suis tout seul. Barrette, viens voir. Quoi? Ça te dirait pas qu'on aille ensemble au bal? D'accord, mais je fais la fille. D'accord. Le jour du bal du collège. Alors, qu'est-ce t'en penses? Ah, elle est énorme. Je peux te dire qu'avec ce genre d'engin, les meufs tombent comme des mouches. Elle fonctionne bien? Tu rigoles ou quoi? On l'essaye? Allons-y. Chauffeur, direction le bal du collège. J'en reviens pas. T'as loué une limousine? Le bal n'a lieu qu'une fois dans l'année. Je me voyais mal arriver en R19. Ou en R11. Oh, c'est pareil. T'entends ça? Ouais, des filles. Et quand je serai sur la piste, elles vont toutes crier « Bah arrête, bah arrête !» Elles vont plutôt crier « Arrête, arrête !» Allez, viens, on va bouger notre body. Tiens, mais c'est les gros ringards du collège! Salut Kirby, toujours aussi con? Te jure, mais au moins je suis accompagné par une gonzesse! Ouais, je suis sa meuf pour toute la nuit. T'es superbe en tout cas, Kimi. C'est vrai? Oui! Félicite ton couturier, il a eu un sacré boulot pour assembler autant de tissus pour y caser tes fesses. Trouve-toi une meuf avant de cracher sur un ton. Oh. Bon, bah moi je vais aller me rafraîchir. Il y a un peu trop de mauvaises ondes par ici. Bzzz. Vous me mettez un ponche, monsieur? Avec ou sans fruit? Papa? On m'a confié le rôle de pochetron. Non, du chaperon. Alors je chaperonne un maximum. Tu prends quoi? Bah mets-moi de la fraise alors. Il y a une coquine là-bas qui a l'air de s'ennuyer. C'est Laura. Vas-y, redis. Je vais retenter ma chance. Tu veux avoir des pures sensations, Laura? Avec toi? Non, avec mon verre de lait. Tiens, avale-moi ce nectar. Pas mauvais. Ton mec est pas là? Il est aux toilettes, surpoudré le nez. On danse? Un slow de Jean-François Maurice? Du lait? Je serais presque tentée, mais... Non. Pourquoi? Je vois Dylan qui ressort des toilettes. Il est trop beau. Dylan, Dylan! Oh non, c'est foutu, encore une année où je vais rester vierge. C'est pas la mort. Ah si, j'avais loué une chambre dans un Formule 1 au cas où Laura ou toute autre fille serait intéressée par des petits jeux sous la couette. On peut y coucher tous les deux. Mais bah arrête. C'est pas ce que tu crois, j'ai loué un DVD cochon. Gros boulon bien huilé. Au fond, ça ne déplairait pas de finir ce trimestre les mains dans le cambouis. En toute amitié. Bien sûr.